Avenue Limoilou. Je t'attends. Salut. Bienvenue à une autre édition de Web Musique. Vous êtes en compagnie de Simon Roy pour la prochaine heure. Cette semaine, plein de bonne musique gratuite, musique assez mollo cette semaine. La nuit a été quand même assez dure, donc on va tenter de se calmer un peu les oreilles pour cette émission aussi. Donc, on va débuter avec une pièce de Bath Aid. C'est donc la pièce Statement. C'est sur l'étiquette 4 Milligram Records. Une étiquette que je viens de découvrir aujourd'hui. Plein de matériel en téléchargement gratuit. Donc, je vais approfondir cette étiquette-là. Ensuite de ça, ça va être Scarlet Moth avec la pièce Halo. C'est sur l'étiquette française Sirona Records. Donc, une étiquette remplie, elle aussi, d'albums en téléchargement gratuit. Donc, pour accéder à tout ça, vous vous rendez au www.webmusique.ca. Vous allez avoir accès à la playlist et vous allez donc pouvoir télécharger tout ce que vous entendez à l'émission. Donc, sans plus attendre, on débute tout de suite avec Bath Aid, la pièce Statement. We'll be right back. une pièce quand même assez épique, assez aérienne. C'était donc la pièce Halo par Scarlet Moth, qui est publiée sous l'étiquette Sirona Records. Avant ça, de la ville de Duluth aux États-Unis, c'était Bath Aid avec la pièce Statement. Ça, c'était publié sur l'étiquette 4 Minigram Records. On poursuit avec un Italien de la ville de Rome, c'est Stefano Rocchi avec la pièce Palinka. C'est tiré de son album Trying to Escape. C'est publié sur l'étiquette donc italienne Ephedrina. Ensuite de ça, sur la légendaire étiquette Monocrack, on va entendre Bravo Litva avec la pièce RM. C'est un remix par Floating Mind. Vous allez voir, vraiment excellent. On écoute tout de suite Stefano Rocchi à Web Music. We'll be right back.

Vous êtes toujours à l'antenne de CKRL 89,1. Vous écoutez l'émission Web Musique. On vient tout juste d'entendre Black Daylight, un artiste de la ville de Chicago. C'était sa pièce Sumptuous Flower. C'était tiré de son album Nemesis, publié sur l'étiquette Kreshloff Organization. Avant ça, de la Floride, c'était Eric Jackson avec sa pièce Lonely Road, publiée sur l'étiquette Dusted Wax Kingdom. On poursuit avec Ventolin and Bickotide. Ça nous vient de la ville de Galway en Irlande. Je vous fais entendre la pièce Our Upward Shimmer Out. Puis ensuite de ça, sur l'étiquette Insectorama, c'est Jay Blanco avec la pièce Emanation del Ser. Donc on écoute tout de suite Ventolin and Bickotide à Web Musique. Thank you. C'était Jay Blanco avec sa pièce Emanation del Cer, c'est sur l'étiquette Insectorama. Avant ça, de la ville de Galway en Irlande, c'était Ventolin and Bickertide avec la pièce Our Upward Shimmer Out. C'était publié ça sur l'étiquette Alkaline Recordings. Ça va déjà être tout pour Web Musique. Avant de se quitter, je vous invite, comme à l'habitude, de visiter la page de l'émission. C'est au www.webmusique.ca. Vous allez retrouver la playlist de l'émission et vous allez pouvoir télécharger absolument toutes les pièces entendues à l'émission. Vous pouvez les télécharger de façon gratuite et légale. On va se quitter sur une dernière pièce de Nick R. 61, un artiste que j'ai fait pas mal jouer à l'émission Web Musique. On va entendre sa pièce Tabou. C'est sur l'étiquette, sa propre étiquette, donc Fusion Net Label. C'est tiré de la compilation Fusion Compilation 8, donc une compilation de l'étiquette Fusion. On va se quitter là-dessus, puis je vous donne un rendez-vous à compter de 21h pour une autre émission de Web Musique dimanche prochain. D'ici là, ben, passez une excellente soirée à l'antenne de CKRL.